Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Marie-Antoinette, reine frivole ou reine martyre. Oui, il est dit que tout Paris la verra. Dans sa camisole de nuit blanche, il est dit qu'on l'entraînera à la mort les mains liées par une corde si serrée qu'elle arrivera au terme du voyage, les doigts gelés jusqu'à l'os. Il est dit qu'on lui coupera les cheveux à la hauteur de l'occiput, que les mèches seront brûlées dans le corridor, pas de reliques. Il est dit qu'elle sera conduite au supplice, non dans une voiture comme le roi, mais dans une charrette. Qu'elle sera assise sur une planche étroite et boiteuse. Il est dit que le bourreau la placera en arrière, tournant le dos au cheval. Ainsi, elle sera traînée et cette dernière humiliation la laisse stupéfaite. Pierre Cipriot, à l'émission Au fil du temps en 1998, qui décrit l'humiliation que vivra Marie-Antoinette avant d'être guillotinée, un peu comme si le peuple de France voulait lui faire payer le prix de son insouciance et de ses excès les plus extravagants et les plus coûteux en bijoux, toilettes, coiffures, meubles et autres caprices de tout genre, au moment où le pays criait famine et marchait vers la Révolution. Dernière reine de France, Marie-Antoinette, plus encore peut-être que Louis XVI, va cristalliser la colère et l'indignation du peuple au moment de la Révolution française. Le style Marie-Antoinette va s'affirmer tout au long de son règne. Et la rivalité entre elle et son mari va aussi se décliner dans le domaine des arts. Très jeune, Marie-Antoinette développe une passion pour le mobilier et s'entoure d'objets d'un luxe inouï, dessinés par les plus grands créateurs de l'époque. Pour Philippe Starck, le prince des designers français, la beauté d'une commode en nacre ou d'un vase en porcelaine permet à la reine de s'entourer d'un cocon protecteur. J'ai simplement l'impression qu'il y a dans Marie-Antoinette le scénario de quelqu'un qui arrive de l'étranger et qui est perdu. Et quelqu'un de perdu, c'est quelque chose, c'est un moment très très intéressant parce que c'est quelqu'un qui découvre tout. Il faut qu'elle fabrique ces choses issues de cette solitude, de cette surprise, de cet éloignement, de ses bases. Et donc, elle va fabriquer les siennes. Versailles ou Trianon, Fontainebleau ou Rambouillet, dans chacun de ces châteaux, la reine s'amuse à bouleverser le décor et remodèle à sa guise le mobilier et le cadre de ses appartements. La reine, qui ne porte aucun respect pour l'art de Louis XIV, aurait souhaité que l'on casse tout le décor intérieur de Versailles. Les finances de l'État ne le permettront pas, mais elle reste la seule souveraine qui ait imposé son goût personnel au château. Extrait de l'émission française Secret d'histoire, le numéro consacré à Marie-Antoinette en 2008, pour nous présenter le portrait de cette dernière reine de France. Mon invité est Hélène Delalex, qui est attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles, auteur de Marie-Antoinette, paru en 2013, de Un jour avec Marie-Antoinette, paru en 2015, et qui vient de terminer l'écriture du livre Le métier de reine, qui paraîtra en 2017. Hélène Delalex, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord, je suis très curieux de vous entendre sur... vous avez beaucoup étudié ce personnage de Marie-Antoinette. Je suis curieux de vous entendre sur ce que disait Philippe Starck à l'instant. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces théories sur le goût de luxe et les extravagances de Marie-Antoinette? Non, je dirais ce goût de luxe, c'est un état normal aussi de la France. Je dirais il est normal qu'une reine mette au goût du jour un décor, un cabinet, ça c'est, et utilise les manufactures, le garde-meuble. La commande royale est un état, je dirais, normal. Ce qui caractérise plus précisément Marie-Antoinette, c'est aussi finalement ce sens qu'elle a d'être toujours un peu au goût du jour et puis aussi ce goût du changement. Et oui, il est vrai que, par exemple, pour le grand cabinet doré de ses appartements, eh bien, elle va d'abord commander un meuble, donc une tenture extraordinaire, et puis 4 ans après, la faire changer en boiserie. Donc, c'est aussi toujours ce goût du changement, ce goût du tourbillonnement, tourbillon des plaisirs pendant la première partie de sa vie. Hein, tout ça va s'arrêter à une date plus précise. Déjà, ce que vous décrivez a un caractère assez moderne. Et vous dites, en parlant de Marie-Antoinette, que c'est peut-être la première des princesses modernes, que c'est une femme très moderne. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il y a de moderne en elle? Marie-Antoinette, elle dicte un nouveau rapport au temps. C'est une reine du présent, c'est une reine qui est toujours à l'affût de, justement, cette notion de modernité qui apparaît à l'époque. Par exemple, c'est une reine qui regarde beaucoup vers l'Angleterre, parce que vers le 18e, finalement, c'est là où est la modernité, et pas vers l'Italie, les grandes Italie séculaire, finalement. Et c'est une reine aussi moderne dans sa manière de vivre, le rapport qu'elle a avec ses enfants, et puis cette manière aussi de bouleverser l'ordre des choses, de bouleverser l'étiquette, et puis surtout cette volonté finalement d'être libre. Et là, ça va être très difficile parce que l'étiquette à la Cour de France est une des plus rigides d'Europe. C'est une finalement plus que celle de Vienne, d'où elle vient. Beaucoup plus que celle de Vienne. Elle est un peu comparable à l'étiquette espagnole, qui est très sévère, très dure. Mais justement, Marie-Antoinette, elle a passé 14 ans de sa vie à la Cour de Vienne dans une totale liberté, insouciance. Et c'est ça qui va enraciner en elle finalement ce désir de liberté, de ne pas se laisser gouverner. Ça nous est dit très clairement, et qui va finalement essayer d'échapper à ce carcan de la monarchie. C'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on la rapproche de certaines princesses modernes. Ouais, Lady Di, de fait, vous faites le rapprochement vous-même. Dans l'imaginaire collectif, oui. C'est-à-dire, c'est une princesse Marie-Antoinette, par exemple, qui va vouloir être heureuse, qui va vouloir une vie privée. Alors ça, c'est dans l'air du temps, mais être heureuse d'avoir une vie privée, c'est pas du tout au programme d'une reine de France, qui doit être hiératique, soumise, qui doit donner un héritier à la couronne. Donc, toutes ces notions très modernes, de bonheur familial, de bonheur conjugal, d'amis, ça va mal se conjuguer avec la Cour de France. Elle sera folle de mode, vous le disiez, elle cherche la nouveauté, elle s'entourera de beauté tout au cours de sa vie, les plus grands créateurs de France. Tout ça peut avoir un côté qui paraît superficiel. Je disais d'entrée de jeu, en présentant cette reine frivole ou reine martyre, l'importance qu'elle a, et en fait, Hélène de Lalleix, si elle n'était pas morte dans les circonstances qu'on sait, guillotinée dans ce contexte de la Révolution française, qu'est-ce qu'on aurait retenu de Marie-Antoinette? Il est très difficile de refaire l'histoire, puisque effectivement une vie c'est un tout. Elle est toujours quand même associée à, comme on dit, un moment de perfection de l'art français. Ces dernières années, cet âge d'or finalement de la monarchie, juste avant cette chute brutale. Mais il est évident que c'est évidemment son exécution à l'âge de 38 ans qui lui bâtit un destin et qui va en faire un personnage d'ailleurs aussi attachant aujourd'hui. Oui. Alors revenons sur l'histoire de Marie-Antoinette plus précisément. On parlera de ses extravagances et ses goûts parfois vraiment encore une fois extravagants tout au cours de l'émission. Commençons par la jeune Marie-Antoinette. Dès l'enfance, elle est destinée à devenir reine. Oui, et ça parce que Marie-Thérèse d'Autriche, la grande impératrice qui règne à la mort de l'empereur sur le Saint-Empire romain germanique, mène avec ses 16 enfants, Marie-Antoinette est la 15e de 16 enfants, une véritable politique matrimoniale. Elle place comme ça tous ses enfants sur l'échiquier européen, et dès la naissance de Marie-Antoinette, elle veut effectivement la placer sur le trône de France, et donc elle noue des relations avec Choiseul, le secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XV, etc. Et finalement, le contrat de mariage se conclut. Et Marie-Antoinette, elle a 13 ans. Et il faut bien se rappeler que c'est vraiment le statut des princesses à l'époque, de n'être finalement qu'une clause sur une clause diplomatique sur un contrat d'alliance. C'est ça que représente Marie-Antoinette. Mais il y a un grand mystère dans cette affaire-là, parce qu'autant Marie-Thérèse sait très bien que sa fille, donc c'est son dessein, sera reine de France. Elle en échappe une, passez-moi l'expression. Elle se rend compte au moment où on la promet, donc par contrat à Louis XVI, elle se dit, mais on a un petit peu manqué notre coup avec celle-là. Elle est très indisciplinée comme enfant, Marie-Antoinette. Et au fond, il y a des failles très importantes dans son éducation dont Marie-Thérèse prend conscience au moment où elle est promise à Louis XVI. Oui, à la différence, on peut dire, d'Anne d'Autriche et Louis XIV qui sont très proches, Marie-Thérèse, avec ses 16 enfants, avec un empire à gérer, elle n'est pas du tout proche de ses enfants. Donc elle les remet, les 16, aux gouvernantes, aux précepteurs, etc. Et lorsqu'elle commence, je dirais, à se réintéresser au moment où Marie-Antoinette va monter sur le trône de France, elle se rend compte, effectivement, que l'éducation, elle dit, est très impressionniste. Et que, en fait, Marie-Antoinette, ça nous est très bien raconté par l'abbé de Vermont, qui est son précepteur à Vienne et qui nous laisse des témoignages. Elle est extrêmement charmante, elle est malicieuse et en fait, elle est extrêmement... Alors, on a parlé de son éducation, mais l'abbé de Vermont nous dit qu'elle a une intelligence très vive. Elle est très intelligente. Par contre, elle est très paresseuse. Et elle dit qu'elle ne veut apprendre qu'en s'amusant, et quand elle n'a pas envie d'apprendre, eh bien, elle charme ses précepteurs qui abandonnent bien vite les leçons. Donc, c'est surtout cela, en fait. Elle s'est débrouillée par son petit charme, sa petite espièglerie, à échapper aux leçons. Et donc Marie-Thérèse va lui donner des cours de rattrapage, entre guillemets. Alors Marie-Antoinette, qui aime tant la beauté, qui est si charmante, est-elle une belle femme? Oui, alors cette beauté, elle éblouit la cour quand elle arrive, parce que c'est une jeune princesse. Elle est vraiment belle, donc. Oui, c'est-à-dire, alors, c'est pareil, pas d'une beauté parfaite. On lui reproche, par exemple, son front qui est trop bombé, trop gros, hein, les cheveux implantés un peu, là, un très grand front. On lui reproche aussi son menton un peu plein, toujours des Habsbourg. Mais par contre, elle a une... En fait, c'est moins cette... Enfin, elle a un teint absolument éblouissant à une époque où la blancheur est très valorisée. Elle a des cheveux de couleur blond cendré, qui est une couleur très valorisée aussi. Mais surtout, ce qui caractérise sa beauté et ce qui stupéfie la cour, c'est sa grâce, en fait. Hein. Une grâce extraordinaire. On a des témoignages où on dirait qu'elle vole sur les parquets, comme ça. La chorégraphie, ses bras dans l'espace, la manière de se pencher pour s'adresser aux gens, de s'adresser à 1000 personnes en même temps, tout en ayant l'impression de s'adresser à une seule. Donc, elle a une grâce vraiment. Walpole, qui est un grand amoureux de Marie-Antoinette, dirait vraiment quand elle se meut, c'est la grâce en personne. Et puis, c'est sa beauté, c'est sa sincérité. C'est ce qui va la perdre. C'est-à-dire que son page nous dit, on lit sur elle comme sur un livre ouvert. Tout passe dans ses yeux, tous les sentiments. Et ça, cette grande sincérité, ça va mal s'accorder avec la cour de France. Et le masque, en fait, les doubles sens, etc. Marie-Antoinette est la mode. Elle est folle de mode. On dit que Marie-Antoinette ne suit pas la mode, qu'elle est la mode. On écoute un extrait de l'émission Un secret d'histoire sur ce côté mode de Marie-Antoinette et évidemment sur sa complice dans cette aventure de la mode, Rose Bertin. Et c'est Rose Bertin, couturière de son état, qui va aider la souveraine à affirmer ses goûts et à les imposer à la cour. Celle que la reine qualifie pompeusement de ministre de la mode, la conseille, l'influence dans ses folies vestimentaires. À elles deux, elles inventent la haute couture. On raconte par exemple que Marie-Antoinette s'enfermait des heures dans son petit cabinet avec Rose Bertin. Et Rose Bertin donc lui essayait toutes ses nouveautés. Marie-Antoinette était finalement la muse de Rose Bertin. Elle a alimenté la créativité de Rose Bertin et Rose Bertin s'en est servi pour asseoir donc sa notoriété et multiplier ses commandes. Concept révolutionnaire à Versailles, la reine accepte de partager sa styliste avec d'autres clientes. Les élégantes convergent au Grand Mogol, la boutique de Rose Bertin rue Saint-Honoré à Paris. Elle s'arrache les tenues à la manière de Marie-Antoinette. On veut copier la reine, mais toutes les bourgeoises n'en ont pas forcément les moyens. Alors, quelle importance aura la mode pour Marie-Antoinette et Hélène de Lalex? En fait, ça naît de cette rencontre justement avec Rose Bertin. C'est-à-dire que les deux se complètent bien. À la fois Rose Bertin, qui est un redoutable financière aussi, elle trouve dans Marie-Antoinette un mannequin, on pourrait dire, idéal. Il suffit qu'elle porte une tenue pour qu'évidemment tout le monde en parle et veuille la même. Et puis, Marie-Antoinette, qui a toujours ce goût du changement, de la beauté, etc., elle trouve dans toutes ces nouveautés que lui présente Rose Bertin, un assouvissement à ce goût-là. Donc, ce sont vraiment cette rencontre entre les deux et comme le disait l'extrait, ce qui va, en tout cas, l'anomalie, ce qui va choquer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le fournisseur de la reine et la dame d'atour qui gère avec le fournisseur. C'est pas la reine qui va elle-même s'occuper de ses robes. Là, c'est Marie-Antoinette en direct qui reçoit Rose Bertin. Déjà, ça, c'est une anomalie. Et puis, surtout, on le disait, Rose Bertin, elle n'est pas la fournisseur exclusive de la reine. Ce qui fait que, finalement, tout le monde veut s'habiller comme la reine et le peut, en quelque sorte, en adaptant les tenues, mais que la reine va se retrouver habillée comme tout le monde, finalement, si tout le monde est habillé comme elle. Oui. Et donc, ça, c'est très dangereux parce qu'il n'y aura plus de séparation réelle entre la reine dans son costume, le costume de reine qui crée une distance, une barrière et les autres femmes. Et on dira même que Rose Bertin, qui habille la reine, mais d'autres femmes du royaume, sera un petit peu l'inventrice de la haute couture, finalement, de la haute couture française. Oui, on dit toujours que c'est le premier grand couturier français, parce que d'abord, les prix sont extravagants, c'est-à-dire que on paye finalement pour la même chose beaucoup plus cher, donc on sent qu'on paye la marque, c'est-à-dire la griffe finalement de Rose Bertin. Et puis, ce côté aussi collection qui se renouvelle très souvent. On n'a plus comme ça un style de robe qui va durer 40 ou 50 ans. Ouais. C'est collection permanente. Et par contre, il faut bien rappeler que Rose Bertin, ce n'est pas une couturière. C'est une marchande de mode. C'est très différent. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas le bâti des robes. Elle vend les accessoires. Bon, alors, comme disait Coco Chanel, l'accessoire, c'est l'essentiel. Mais c'est-à-dire qu'elle vend les manchons, les bouillons d'or, les voiles, les gaz, les chapeaux. Enfin, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est décoration sur un bâti et qui coûte évidemment très, très cher. Donc, elle passera des heures, on l'entendait dans l'extrait aussi, avec Rose Bertin, avec Léonard, qui sera également... Le ministre de la coiffure. Voilà, ministre de la mode, Rose Bertin, ministre de la coiffure, Léonard. Léonard, et ça formera, ces trois formeront un petit trio, une petite équipe. C'est peut-être les coiffures de Marie-Antoinette, au fond, l'un des signes les plus tangibles de son extravagance, extrait de Secret d'Histoire. Les volumes de coiffure, effectivement, étaient très, très provoquants, et c'est ce qui donnera par la suite cette réputation d'une reine excessive dans ses goûts pour la mode et les coiffures. Insouciante de sa réputation, Marie-Antoinette se met également à porter de très hautes coiffures qui défient les lois de l'équilibre. Tes coiffures supporteront moins haut cette année. Tant mieux, on ne pouvait plus passer les portes. Et toutes les femmes de la cour, pour faire bonne figure, vont devoir suivre les délires de leur reine et de son coiffeur Léonard. On avait des échafaudages de cheveux extraordinaire, et sur ces échafaudages de cheveux, eh bien, elle drapait des tulles et des étoffes, et sur ces tulles et sur ces étoffes, on mettait des sujets qui pouvaient être extrêmement variés et symboliques. Alors, il y avait la coiffure à l'inoculation, la coiffure à la belle poule, enfin des coiffures tout à fait extraordinaires. C'était la mode et la reine en a porté. Donc, ces coiffures, ce sont de véritables pièces montées, ce qu'on appellera les poufs, Hélène Delalex. Oui, alors il faut savoir que c'est une, comme toutes les modes, hein, et qui sont de plus en plus extravagantes, ça va durer quelques années, hein, 3-4 ans, mais c'est ce qui reste encore... On parle de coiffures d'un mètre, ou à peu près. Oui, voilà, jusqu'à 80 centimètres, qui deviennent de plus en plus hautes, comme on disait, qui défient l'équilibre. Et Marie-Antoinette, eh bien, va aussi lancer cette mode. Alors, d'ailleurs, Louis XVI est absolument affligé. Il lui offre des aigrettes en diamant pour remplacer les poufs, et elle met l'aigrette sur le pouf encore, donc elle s'adonne en tout cas. Enfin, elle a aussi cette audace finalement d'arborer des choses d'avant-garde, hein, ouais, comme on disait, mais qui sont là aussi une anomalie, hein, ouais, finalement. Et pour une reine extravagance de France extrême qui fait que sa mère, qui est bien informée, qui est toujours à Vienne, mais qui sait ce qui se passe à Paris, s'inquiète et tout au cours de sa vie, sur les coiffures, Marie-Thérèse sera offusquée de voir que sa fille porte de telles coiffures, mais tout au cours de sa vie, il y aura cette correspondance où elle lui dit « Attention, ma fille, tu cours à ta ruine. » Oui, le personnage le plus fascinant, hein, quand on travaille sur Marie-Antoinette, c'est sa mère, hein, qui devient, alors elle est bien informée parce qu'elle a des espions, ouais, notamment Mercier Argenteau qui lui raconte tout ce que fait Marie-Antoinette, mais ce qui est vraiment incroyable chez Marie-Thérèse, c'est que de Vienne, elle comprend tout, mais je dirais vraiment, elle comprend l'implicite. C'est-à-dire que quand Marie-Antoinette lui écrit des petites lettres où elle se vante de son petit succès, etc., elle voit immédiatement le danger profond, c'est-à-dire vraiment en prévoyant presque la Révolution française, de finalement ce que cette manière de se présenter. Elle lui dit, mais ne jouez pas les Pompadour, les du Barry. Elle voit bien que finalement Marie-Antoinette, elle est comme une favorite. Et d'ailleurs, Louis XVI n'a pas eu de favorite. Et finalement, celle qui prend la place du devant de la scène à la cour, c'est la reine. Et une favorite, on l'adule, tout le monde veut être pareil à la mode, mais aussi après, on la déteste. Ouais. Et finalement, ça la met très fort en danger. Et ça, Marie-Thérèse le comprend. Elle ne cesse de lui dire, mais voilà, vous êtes la reine, vous n'avez pas besoin de suivre les modes, c'est vous n'avez pas besoin de jouer la favorite, et puis arrêter avec ce tourbillon des coiffures, etc., ce n'est pas là votre place. Et elle emploie même, d'ailleurs c'est Joseph II qui emploie même le terme de révolution bientôt, avant l'heure, hein, ouais, quelques années avant. Donc elle comprend tout, c'est vraiment, cette lucidité est vraiment tout à fait fascinante. Ouais. Et dans l'affaire du collier, Marie-Thérèse, encore une fois, va revenir à la charge en disant, mais il faut arrêter, parce qu'elle a aussi des goûts très luxueux pour les bijoux, Marie-Antoinette, et il y aura cette affaire qui sera important. D'abord, qu'est-ce que c'est, si on peut la résumer, cette affaire du collier? On est quoi? Oui, alors, c'est une affaire... 1785. Oui, 1785, qui est un tournant, hein, dans le règne. C'est un peu une comédie digne de Molière. Hein. Mais si on devait la résumer, c'est qu'effectivement, on a le cardinal de Rohan qui se croit en défaveur avec la reine et qui se fait persuader par une escroc, qui est Madame de Lamotte, que la reine veut acheter un collier et qu'elle le charge de la négociation. Alors lui, il va acheter un collier extraordinaire, hein, 1 600 000 livres, 620 diamants, etc. Et il croit en fait qu'il négocie avec les joailliers pour le vendre à la reine. Et puis ensuite, le jour de la livraison, l'escroc part en Angleterre et dépasse le collier. Et puis, les joailliers demandent poliment une lettre de paiement du collier. Et Marie-Antoinette, au début, elle ne comprend pas. Elle croit qu'on lui demande d'acheter un collier qu'elle ne veut pas. Et puis, quand elle lit finalement la troisième relance finalement de paiement, elle comprend qu'on ne lui veut pas lui vendre un collier, mais qu'on lui demande de payer un collier qu'elle aurait soi-disant acheté. Et là, c'est pratiquement trop tard. Hors donc, ce prix, sera évidemment un scandale. Ouais. Il y aura une enquête, évidemment, un procès au Parlement, un procès déjà public avec le relais de la presse. Et finalement, le cardinal de Rohan sera acquitté. Et cet acquittement, implicitement, il la juge coupable. Si elle est parfaitement innocente dans cette affaire, finalement, Marie-Antoinette, il n'a rien demandé à ce collier, qui n'est même pas au courant. Son mode de vie avant, son goût pour la parure, ça laisse prise à de tels soupçons. Et implicitement, ça va être la coupable. Quoi. Enfin, c'est ce que l'opinion commune va avancer. Est-ce que c'est un point tournant pour, dans ce jugement qu'aura la population française par rapport à Marie-Antoinette, oui, par rapport à ses excès? Oui, c'est cette affaire du collier. Elle va vraiment ternir de façon irrémédiable sa réputation. Et après, il est très difficile, finalement, de corriger une réputation, une opinion comme ça qui gonfle dans la population, même si elle se base sur des faits qui sont faux. Mais ça va alimenter le fantasme autour de Marie-Antoinette et ses prétendues richesses accumulées qui concentreraient toutes les richesses de la France, qui sont un fantasme, hein, mais ça va donner prise, en tout cas, à de tels sentiments. Et de fait, c'est plus elle que Louis XVI, au fond, qui attise cette grogne populaire, non? Oui, elle est un peu, on pourrait dire, le fusible, entre guillemets, hein, de cette grogne populaire qui gagne. Et il y a encore, en tout cas, on le voit même en 1789, un grand attachement autour de la figure du roi, hein, ce roi qu'on a depuis si longtemps, paternel. Lorsqu'en 1789, le roi apparaît sur le balcon devant la populace, c'est vive le roi au début, hein, qui résonne. Encore un grand attachement. Et finalement, Marie-Antoinette, c'est elle qui va concentrer finalement toutes ses haines, elle va cristalliser toutes ses haines. D'abord, la haine de la cour. On a toujours l'impression que Marie-Antoinette, c'est la haine du peuple. Mais d'abord, elle s'est fait haïr par la cour. Ouais. Et vous savez, vos meilleurs ennemis, c'est vos anciens amis. Donc, la cour qui était jalouse de pas être, de toutes les parties de Marie-Antoinette, d'être écartée par elle, méprisée, c'est elle qui va lancer les premières attaques qui vont se diffuser par la presse dans le peuple. Donc, c'est finalement un système de calomnie très complexe comme ça qui se resserre autour d'elle et qu'elle comprend trop tard. Elle sera mise à procès, elle sera guillotinée. Comment ça va se passer pour elle? Très tard, très tardivement, elle va sortir de son insouciance, je pense. Mais comment vont se passer les derniers mois de sa vie? Stefan Zweig, qui est l'auteur d'une magnifique biographie sur Marie-Antoinette, il en fait justement comme une sorte de anti-héros qui va se révéler dans les dernières heures. Et Marie-Antoinette le dira elle-même, elle l'écrira, on ne se connaît bien que dans le malheur. Et finalement, cette princesse insouciante qui aurait pu s'écrouler finalement pendant quand ce destin comme ça si brutal s'abat sur elle, elle va vraiment se révéler. Et finalement, on peut dire que c'est vraiment quand elle perd sa couronne qu'elle a vraiment l'attitude, la dignité, la force d'une reine de France. C'est dans les derniers instants, aux Tuileries, où elle se bat, au temple et puis jusqu'à la conciergerie. Elle va même arriver, pendant son procès, à retourner l'opinion publique grâce à cette très grande dignité. Quand elle est accusée d'inceste, par exemple, par Hébert, et la manière dont elle réagit, cette force, va vraiment presque retourner l'opinion publique. Donc ça, évidemment, personne ne pouvait le prévoir. Ouais. En fait, c'est le destin aussi qui fait que cette très grande force, c'est ce qui la rend touchante. On se dit, mais qu'aurions-nous fait finalement à sa place, une jeune fille comme ça, prise? Et c'est vraiment ce qui forge aussi son destin. Hélène Delalex, c'était passionnant. Merci beaucoup. Hélène Delalex, attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles, auteure des livres Un jour avec Marie-Antoinette, Marie-Antoinette et le métier de reine. Merci encore d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.